Quand même lag pour une premier prix. Elles sont bien finies ces guitares. Elles sont faites en Chine mais elles sont bien finies. Je te jure, tu trouves pas de défaut. Hein. Putain, le père, il doit aller vérifier les usines en Chine. Le manche, il est nickel, y a pas de. Les frettes sont bien collées et tout. Bah, de toute façon, moi je suis pas. Je m'appelle pas Titi, Phil, Bilos. Je m'appelle Craignos. Indonésie. Oh. Ah, mais ils travaillent bien des fois ces gosses, hein. Peut-être mieux que. Ils travaillent bien les petits enfants. Moi je suis sûr que ma guitare. Non, je pense pas quand même. Ils n'ont pas fait par des enfants. Pas ça.